Chapitre 19. Le cacao, les bananes, la poule sultane, l'hippopotame, le thé et le caprier, la grenouille géante, terreur de Jack, l'édifice de Falkenhorst, le corps de garde dans l'île requin. Les fortifications de l'écluse étaient finies et nous ne songions pas au retour. Il fallut s'occuper maintenant de la construction d'une habitation dans le voisinage. Sur la demande de Fritz, elle fut bâtie à la manière des huttes d'été du Kamtchatka. Nous avions remarqué 4 gros arbres disposés en carré parfait à une distance de 12 à 13 pieds l'un de l'autre. Je crus les reconnaître pour une espèce de platane et leur tronc était entouré de vanilles grimpantes. Les 4 troncs furent unis, à la hauteur d'environ 20 pieds, par une charpente en bambou. La façade, du côté de l'écluse, fut percée de 2 étroites fenêtres en forme de meurtrière. Le toit, terminé en pointe, était recouvert d'écorce. L'escalier était une longue poutre avec des entailles de chaque côté, comme on en voit quelquefois dans les navires. Cette poutre, fixée sur une seconde, en saillie de la muraille, pouvait s'élever ou s'abaisser à volonté. Au-dessous de la cabane, les 4 arbres furent encore réunis par une palissade de 4 à 5 pieds de hauteur, de manière à former une espèce de basse-cour où nous pourrions parquer quelques pièces de bétail ou enfermer la volaille. Enfin, l'espace intermédiaire entre la palissade et le plancher de la cabane fut rempli par une espèce de grillage en bambou. Pour compléter l'œuvre, je fis orner l'extérieur de quelques dessins à la chinoise, et comme nous avions laissé debout toutes les branches qu'il avait été possible d'épargner, notre cabinet de verdure ne ressemblait pas mal à un nid d'oiseaux caché au milieu du feuillage. Au reste, notre nouvelle construction nous rendit un service important en recevant les prisonniers ailés qui commencèrent par s'accommoder fort peu des étroites limites de leur prison, mais auxquels le voisinage de notre demeure eut bientôt fait perdre une partie de leurs habitudes sauvages. Les excursions de nos jeunes chasseurs dans les environs nous procuraient de temps en temps quelques nouvelles découvertes. Un jour, Fritz rapporta des bords du fleuve quelques fruits qu'il prenait pour une espèce de concombre, mais dont le goût étrange déconcerta toutes ses connaissances en botanique. Je ne tardai pas à reconnaître dans les plus gros de ces fruits le précieux cacao, et dans les plus petits, la banane, si utile et même si indispensable dans bien des contrées. Au premier abord, ces précieuses productions flattèrent peu notre goût, car le cacao possède une saveur si amère que nous fûmes presque tentés de le jeter. Les bananes, malgré leur fadeur, nous parurent plus savoureuses. « Voici quelque chose de singulier, m'écriai-je après cette expérience, et je ne sais s'il faut s'en prendre à l'excessive délicatesse de notre goût si nous ne prisons pas mieux ces fruits si estimés. Dans les colonies françaises, la bouillie de cacao passe pour un mets très recherché lorsqu'elle est mélangée de sirop et de fleurs d'oranger. Quant à l'amande qui nous paraît si amère, c'est elle qui, séchée, épluchée, rôtie et pilée, forme la base de ce chocolat que nous aimons tant. Il en est de même des bananes qui sont des fruits d'une délicatesse exquise. Il est vrai qu'on ne les mange qu'épluchées et rôties, ce qui leur donne un goût analogue à celui de l'artichaut. Il me paraît prudent, dit alors ma femme, de prendre les 2 fruits sous ma garde spéciale, afin de leur faire subir la préparation convenable et d'en placer les semences dans mon jardin. « Pour aujourd'hui, la chose est impossible, lui répondis-je, car les fèves de cacao ont besoin d'être mises en terre immédiatement après leur séparation du fruit. Quant aux bananes, elles se reproduisent par bouture. Avant notre départ, Fritz aura soin d'aller cueillir quelques amandes fraîches et un certain nombre de rejetons qui répondront parfaitement à ton désir. » La veille du départ, Fritz reçut la commission de rapporter à sa mère les 2 articles en question et de s'emparer en même temps d'un certain nombre d'échantillons des autres productions du rivage. Après avoir pris congé de nous, il monta sur son kayak, traînant à sa remorque un léger radeau de bambou, plus propre encore à la nature de son entreprise. Le radeau était construit dans le genre de ceux qui sont en usage chez quelques peuplades de la Californie. Le soir, j'eus lieu de constater l'avantage de cette invention, car Fritz ramena le radeau si chargé qu'il plongeait à demi dans l'eau, laissant sa cargaison flotter à la surface. Les trois enfants furent bientôt sur le rivage, et chacun prit joyeusement sa part des trésors que ramenait la flotte. Ernest et Franz rapportèrent leurs fardeaux à la cabane, tandis que Fritz chargeait sur les épaules de Jack un grand sac tout dégouttant d'eau et dans lequel se faisait entendre un étrange tumulte. Jack commença par s'enfoncer derrière un buisson qui le dérobait à mes regards, puis il entr'ouvrit le sac avec curiosité, de manière à pouvoir jeter un coup d'œil dans l'intérieur. Mais il le referma aussitôt avec un cri d'effroi. « Oh ! S'écria-t-il, voici d'étranges hôtes ! Grand merci, mon cher frère, d'avoir songé à ma commission !» En achevant ces mots, Jack déposa le sac avec précaution dans un lieu caché, en ayant soin que la partie inférieure demeurât plongée dans l'eau. Et il le reprit avec tant de mystère au moment du départ que nous ne fûmes informés que plusieurs heures après des étranges motifs de sa conduite. Fritz sauta à terre le dernier avec un grand oiseau auquel il avait lié les ailes et les pattes, et il vint nous montrer sa capture avec un sourire de triomphe. Je ne tardai pas à reconnaître dans cet oiseau la poule sultane de Buffon. Cet animal, de l'espèce des poules d'eau, a les jambes et les cuisses d'un beau rouge, la plus grande partie du corps d'un violet éclatant, le dos vert foncé et le cou brun clair. Ses habitudes sont d'une telle douceur qu'il est facile de l'apprivoiser. Ma femme avait bonne envie de se plaindre de l'accroissement continuel de sa basse-cour, mais la beauté du nouveau venu la désarma, et elle ne put s'empêcher de la recevoir avec plaisir parmi les animaux confiés à sa garde. Fritz nous fit alors le récit de son expédition le long du fleuve, décrivant pompeusement la fécondité de ses rives jusqu'à la naissance des montagnes voisines et la majesté des épaisses forêts qu'il traversait dans son cours. Le ramage des oiseaux qui peuplaient les arbres du rivage avait failli le rendre sourd. Toutefois, il avait remonté le fleuve jusqu'au-delà de l'étang du Buffle, où il avait fait sa précieuse capture. À sa droite s'élevait une magnifique forêt de mimosa, où il avait aperçu quelques troupes d'éléphants qui tantôt brisaient de jeunes arbres, tantôt se plongeaient dans les eaux du lac pour y chercher un asile contre les brûlants rayons du soleil. Quant au matelot et à son frêle esquif, il ne l'avait pas aperçu selon toute apparence. Dans un autre endroit, ses regards avaient été frappés de l'apparition de deux belles panthères qui venaient se désaltérer dans les eaux profondes du fleuve. « Pendant un instant, ajouta Fritz, j'éprouvais le plus violent désir d'essayer mon adresse sur cette magnifique proie, mais en y réfléchissant, l'entreprise me parut trop dangereuse, et une inquiétude si vive finit par s'emparer de moi, que je ne songeais bientôt plus qu'à une retraite précipitée. Au même instant, un argument de nouvelle espèce vint fortifier ma résolution. En effet, à environ 2 portées de fusil devant moi, j'aperçus dans le fleuve un bouillonnement qui semblait annoncer la présence de quelque source souterraine. Un instant après, je vis s'élever au-dessus de l'eau, avec un mouvement lent mais terrible, un animal monstrueux d'un brun foncé qui me montra une rangée de dents formidables, en faisant entendre un sourd mugissement dont je tremble encore. Je vous réponds que je ne me sentis nulle envie de l'attendre, et je regagnai le courant avec la rapidité d'une flèche. Mes deux rames avaient une telle activité que la sueur me ruisselait sur tout le corps. Je n'osais me retourner que lorsque je me crus hors de la portée du terrible animal. J'allais alors reprendre mon radeau que j'avais attaché dans un enfoncement du rivage en partant pour remonter le courant. Et je suis accouru ici par le plus court chemin, après avoir craint un instant de prendre une leçon d'histoire naturelle un peu trop complète, car je n'avais pas même un de nos chiens auprès de moi dans cette terrible rencontre. Tel fut en abrégé le récit de l'expédition de Fritz, et il nous donna à penser le reste du jour, en nous apportant la certitude du voisinage d'ennemis formidables et nombreux. Car dans le monstre du fleuve, il était facile de reconnaître l'hippopotame. Toutefois, je trouvai une consolation dans les précieuses découvertes qui avaient signalé cette dernière expédition, et surtout dans la riche collection de plantes que notre voyageur avait rapportées comme échantillon de la fertilité de ces rivages inconnus. La journée que Fritz employa pour son expédition n'était pas demeurée inactive pour le reste de la famille. Nous avions fait tous nos préparatifs pour le départ du lendemain matin, ne laissant dehors que ce qui nous était indispensable pour la nuit et le repas du soir. Fritz proposa de retourner par eau avec son kayak, en doublant le cap de l'espoir trompé et en suivant le rivage jusqu'à Felsenheim. Je lui accordais d'autant plus volontiers sa demande qu'il s'était montré expert dans la navigation et que je tenais beaucoup à fixer mes idées sur la possibilité d'établir un petit port au cap de l'espoir trompé. Le lendemain matin éclaira notre double départ. Fritz prit son chemin par eau et nous par terre. Le hardi navigateur trouva la partie orientale du cap hérissée de rochers sauvages dont les profondeurs servaient de retraite à un peuple innombrable d'oiseaux de mer et d'oiseaux de proie. Au reste, les fentes des rochers, depuis la mer jusqu'au rivage, étaient couvertes d'une forêt d'arbrisseaux odorants dont le parfum embaumait l'air. Les fleurs étaient petites et d'un blanc tirant sur le rosé, les feuilles en forme de cœur et la tige hérissée d'épines. La partie sud du cap présentait un aspect tout aussi sauvage. Seulement les masses de rochers offraient moins d'aspérités et d'excavations. Toutefois, il restait encore assez de place pour donner naissance à une forêt d'arbustes d'une espèce inconnue. Les fleurs en étaient blanches également, mais les feuilles plus frêles et plus allongées, presque semblables à celles de certaines espèces de cerisiers. Leur parfum, sans être bien prononcé, ne laissait pas d'être agréable. Fritz avait eu soin de rapporter un rameau de chaque espèce, et après quelques recherches, je n'hésitais pas à reconnaître dans le premier l'arbuste appelé caprier. La seconde me parut être une des deux espèces de l'arbre à thé, et cette présomption fut accueillie par la mère avec une satisfaction peu commune. Jack, qui nous avait précédés d'une heure à Felsenheim, était venu heureusement à bout de baisser le pont-levis, et toujours monté sur son autruche, il avait continué sa route jusqu'à l'étang au canard, où il avait déposé le sac mystérieux, la partie inférieure plongeant dans l'eau, selon les instructions formelles de son frère. Quant à Fritz, sa visite au cap le mit en retard d'une grande heure. Le reste de la famille, ayant continué sa route sans aventure, ne tarda pas à arriver aux portes de Felsenheim. Nous nous hâtâmes de déballer tous nos trésors. Le grand nombre de nos volailles me donnait de sérieuses inquiétudes, car il était à craindre que durant les absences répétées de la famille, il ne devint funeste à nos récoltes. En conséquence, j'ordonnai un partage prudent. La moitié de la basse-cour, et entre autres les nouveaux venus, comme les grues et les poules du Canada, reçurent pour demeure les deux îles voisines de notre habitation. Les cygnes noirs, la poule sultane et le héron royal, avec le reste de la volaille, furent placés près de nous dans l'étang aux canards et habitués à notre voisinage par de légères friandises. Nos vieilles outardes conservèrent le privilège de demeurer dans les alentours de la maison et d'assister au repas de la famille toutes les fois qu'elle le prenait en plein air. Ces sages dispositions m'occupèrent environ 2 heures, durant lesquelles la cuisinière nous prépara le repas et qui donnèrent à Fritz le temps d'arriver à Felsenheim. Vers le soir, tandis qu'assis tranquillement à la porte de notre demeure, nous écoutions le récit de l'expédition maritime de notre grand navigateur, nous entendîmes du côté de l'étang au canard un long et sauvage hurlement assez semblable au roulement éloigné du tonnerre ou au mugissement de 2 taureaux en fureur. Nos chiens se dressèrent avec effroi, et nos 2 dogues, à la chaîne dans ce moment, unirent bientôt leur voix à ce redoutable concert. Je sautai à l'instant hors de ma place en ordonnant à Jack de courir me chercher mon fusil. Ma femme, Ernest et Franz, manifestèrent la terreur la plus vive, tandis que Fritz, ordinairement si prompt à courir aux armes, restait paisiblement appuyé à une des colonnes de la galerie avec un imperceptible sourire. Son attitude ne contribua pas peu à calmer mes craintes, et je me rassis en disant « C'est peut-être le cri d'un butor ou d'un des cochons du marécage que l'écho renvoie si terrible à nos oreilles. Il est donc prudent de ne rien précipiter. » « Peut-être bien aussi, reprit Fritz, est-ce une sérénade de grenouilles géantes de maître Jack qui porte au cap le nom d'Oplazer, si j'ai bonne mémoire, et qui ont la réputation de posséder une voix respectable. « Ah ah, répondis-je, c'est un tour de notre héros. Voilà donc le motif de sa contenance mystérieuse durant le chemin et de son empressement à nous prévenir à Felsenheim. Il va se trouver un peu déconcerté de voir son espièglerie si mal réussir. Que tout le monde prenne un air de profonde terreur lorsqu'on le verra s'approcher. » On ne se le fit pas répéter 2 fois, et ma petite comédie eut tout le succès désiré. Chacun courut aux armes, tandis que Fritz, les yeux hagards et la démarche tremblante, s'écriait du plus loin qu'il aperçut son frère, « Je l'ai vu, enfin, le gaillard. Quoi ? Qui ? Demanda Jack. Un magnifique cougar, lui répondit son frère. Quel hurlement il a poussé en faisant son terrible bond. Où donc cela ? Reprit Jack à voix basse. Dans l'étang aux canards, continua Fritz, mais il a pris la fuite en apercevant les chiens, et je le crois maintenant caché dans les marécages. Voulez-vous aller l'attaquer maintenant ? Demanda Jack. Sans doute, répondis-je à mon tour. Sa peau nous fera une couverture, et comme je remarque avec plaisir que tu as pris une arme pour toi, tu vas nous accompagner à l'étang. Il paraît, se dit maître Jack à lui-même, que je n'étais pas aussi sûr de mon fait que je l'avais cru d'abord. Alerte ! M'écriai-je. Fritz et Jack vont conduire les chiens à l'ennemi. Franz et moi nous formerons le corps de bataille, et l'arrière-garde se composera d'Ernest et de sa mère. Jack, entièrement déconcerté, se glissa du côté de son frère Ernest et lui demanda d'une voix tremblante « Qu'est-ce que c'est que le cougar ?»« C'est le tigre d'Amérique appelé Felis concolor, animal. »« En voilà assez !» s'écria le pauvre Jack. « Je ne reste pas une minute de plus. » À ces mots, il prit la fuite avec une telle rapidité que la poussière volait par tourbillon sous ses pas. Fritz eut beau le rappeler, quoiqu'étouffant de rire, notre héros ne se tourna pas même avant d'avoir atteint la porte de notre habitation. Au bout de quelques minutes, nous vîmes sa tête apparaître à une des fenêtres de la galerie qu'il avait choisie comme poste d'observation. Alors nous donnâmes carrière à notre gaieté, plaisantant sans pitié le pauvre garçon de s'être laissé prendre ainsi au piège qu'il nous avait préparé. Nous entendîmes quelque temps encore le bruyant concert des nouveaux hôtes de l'étang, dont la nature n'était plus douteuse depuis que Fritz nous avait raconté qu'ayant rapporté de sa dernière expédition de grenouilles géantes, il les avait abandonnées à son frère sur le vif désir que celui-ci en témoigna. Ernest me demanda si la grenouille géante et l'oplaser nommé par Fritz ne font qu'une seule et même espèce. Après avoir réfléchi quelques instants, je lui répondis que la première espèce est originaire d'Amérique où elle atteint souvent la grosseur d'un lapin, tandis que la seconde habite le cap où, pendant les chaleurs, elle fait entendre tout le jour et souvent toute la nuit son cri aigu et prolongé. Mais que je ne pouvais me rappeler si l'animal en question est une véritable grenouille ou bien une espèce de cigale. J'ajoutai en terminant que le voisinage de pareils musiciens était fort peu de mon goût, attendu que la curiosité du premier moment ne tarderait pas à se changer en fatigue et en ennui. Mais que du reste, on pouvait les laisser en repos, parce que je comptais sur le héron pour leur imposer bientôt un silence éternel. Quelques jours après notre retour, lorsque nous fûmes un peu débarrassés des occupations qu'avait entraînées notre dernier voyage, la bonne mère me pressa de tourner notre activité vers le vieux palais d'été de Falkenhorst, afin de ne pas le laisser tomber en ruine avant qu'il fût achevé. Je souscrivis d'autant plus volontiers à sa demande que je pensais qu'il nous serait avantageux d'entretenir les deux habitations dans une égale prospérité. Toute la famille se mit donc en route pour Falkenhorst. Toutefois, je dus accorder aux enfants la permission pour deux d'entre eux de s'occuper de la construction d'un lèche-sel. Il fut bientôt achevé et nous procura l'avantage de passer en revue sans être aperçus les habitants des forêts qui venaient le visiter et de choisir parmi eux ceux que nous voudrions chasser. À Falkenhorst, les constructions ne marchèrent pas moins rapidement, eu égard à la faiblesse de nos ressources. Les souches inférieures, dépouillées de leurs branches, furent recouvertes d'une couche de terre battue en forme de terrasse et revêtues ensuite d'une couche de goudron et de pois résine. La partie supérieure de notre construction fut revêtue d'une muraille d'écorce avec une petite galerie des deux côtés. Les deux faces, demeurées ouvertes, étaient garnies de treillages, de sorte que ce nid sauvage devint une habitation commode et agréable à l'œil. À ces embellissements se joignit l'exécution d'une pensée que Fritz ne se lassait pas de remettre sur le tapis et qui n'était pas à négliger pour la sûreté de la colonie. Il s'agissait de la construction d'un corps de garde et de l'établissement d'une batterie formidable composée d'une pièce de quatre sur la pointe la plus élevée de l'île aux requins. Il m'en coûta bien des peines et des efforts d'imagination pour amener la pièce de canon à la place qu'elle devait occuper. J'en vins à bout au moyen d'un ingénieux cabestan de mon invention. Enfin, la batterie fut élevée et la bouche de canon tournée du côté de la pleine mer. Un corps de garde, de planches et de bambous, d'une construction légère, occupait les derrières de la batterie. À une distance de quelques pas, s'élevait un mât garni de cordages destiné à hisser un pavillon qui devait être blanc dans les circonstances ordinaires ou rouge en cas d'apparition suspecte ou de tentatives hostiles. Pour célébrer l'achèvement de cette laborieuse entreprise qui nous avait coûté 2 mois de travail, le pavillon fut hissé en haut du mât en grande cérémonie et nous saluâmes son apparition de 6 coups de canon qui retentirent de rocher en rocher jusqu'aux portes de Felsenheim. Chapitre 20. Coup d'œil général sur la colonie et ses dépendances. La basse-cour, les arbres et le bétail, les machines et les magasins. Je considère avec une sorte d'effroi la longue suite de chapitres que je viens d'achever pour retracer l'histoire de ma famille sur la terre d'exil. Comment, dois-je me demander, ta chétive histoire a déjà rempli l'espace nécessaire à un livre entier de la grande chronique du monde? Et quelle importance peut-elle avoir pour la continuer dans le même système? Il est temps de t'arrêter, me crie la conscience, car à toute chose ici-bas, il faut un terme et une mesure. En effet, il doit être fastidieux pour le lecteur le plus bénévole, si jamais ce journal est destiné à en avoir d'autres que ceux qui y jouent un rôle, de suivre pas à pas les épisodes sans intérêt d'une vie uniforme, d'écouter nos récits de chasses et de voyages, de découvertes et d'inventions, souvent sans importance. Il suffit que chacun puisse saisir l'idée fondamentale du livre, qui a pour but de montrer comment la vie de famille pieuse et active peut développer les facultés d'un jeune homme et le mettre en état de jouer son rôle dans la grande société humaine où sa place est marquée par la Providence. Peut-être aussi, les tableaux naïfs de notre vie d'exilé auront-ils pour résultat d'appeler l'attention sur les bienfaits sans nombre du Créateur qui permettent à l'homme de mener sans effort une vie paisible et salutaire. Car il n'y a rien dans la nature dont la constance de l'homme et sa ferme volonté ne puissent tirer un parti avantageux pour lui-même et pour ses semblables. Toutefois, afin de ne pas arriver par une transition trop brusque au dénouement de cette histoire, je vais commencer par jeter un coup d'œil en arrière sur les 10 années écoulées depuis notre arrivée sur cette plage déserte, en mentionnant quelques circonstances et quelques aventures nouvelles. Je commencerai par faire observer que malgré le développement précoce de ma jeune famille, mes enfants avaient conservé quelque chose de naïf qu'on aurait vainement cherché chez des Européens de leur âge. Ceux qui prennent intérêt au destin de la jeune famille apprendront volontiers de quelle voie divine se servit la Providence pour nous tirer de notre exil et nous rendre à la société des hommes. C'est dans la 10e année de notre temps d'épreuve que la miséricorde de Dieu s'abaissa sur nous pour nous récompenser au-delà de nos mérites. Puisse l'avenir ne pas nous réserver de nouvelles traverses ou quelques fardeaux de douleur au-dessus de nos forces. Le lecteur sait déjà que nous habitions une des contrées privilégiées du globe. Nos demeures principales, Felsenheim et Falkenhorst, étaient commodes, saines et agréables. Felsenheim, qui renfermait d'excellents magasins, nous servait de résidence d'hiver, ou, si l'on veut, de palais royal. Falkenhorst était notre maison de plaisance pour la belle saison. Nous y avions construit des étables et des écuries pour la volaille et le bétail, et une demeure pour nos animaux domestiques. À quelque distance s'élevaient nos colonies d'abeilles, dont le travail nous fournissait une provision de miel et de cire bien supérieure aux besoins de la famille. Une nombreuse troupe de pigeons d'Europe avait son habitation près de la nôtre, et chaque jeune couple trouvait un nid tout préparé pour déposer ses œufs. Pendant la saison des pluies, leur demeure était protégée contre l'humidité par un épais toit de paille. Nos ruches ne nous donnaient pas d'autre peine que celle de venir faire la récolte du miel. La multiplication des abeilles s'opérait d'elle-même, sans autre travail de notre part que de venir préparer, chaque printemps, des ruches vides à recevoir un nouvel essaim. L'accroissement innombrable des abeilles n'avait pas tardé à attirer un grand nombre de guêpiers, petit oiseau friand de ces innocents animaux. Ces nouveaux hôtes nous firent d'abord grand plaisir, mais bientôt il fallut mettre un terme à leurs ravages. De légers filets disposés à l'entrée des ruches, en nous débarrassant de ces dangereux ennemis, nous fournirent une riche collection de Mérops pour notre cabinet d'histoire naturelle. Felsenheim n'avait pas reçu moins d'embellissements et de commodités. La galerie qui devait occuper toute la façade de l'habitation était achevée et recouverte d'un toit soutenu par 14 colonnes de bambou. Les colonnes étaient tapissées de vanille et de poivre grimpant, dont l'agréable feuillage serpentait avec grâce sur notre toit grossier. L'essai d'une treille nous avait mal réussi à cause des rayons brûlants du soleil. Mais la place était si favorable à ces deux productions du tropique qu'elles nous donnaient chaque année une abondante récolte de leurs fruits précieux. La galerie couverte nous servait habituellement de lieu de repos et de réunion après notre travail de la journée. Il n'était pas rare de nous y voir prendre nos repas ou tenir conseil sur nos occupations du lendemain, assises en cercle autour d'une fontaine dont l'eau rafraîchissante était reçue dans la grande écaille de tortue. L'autre aile de la galerie avait aussi sa fontaine, dont le superflu s'écoulait dans une tige de bambou en attendant une seconde écaille semblable à la première. L'eau des deux fontaines, dirigée habilement par les canaux de bambou, allait arroser les plantations environnantes. Toutes les dépendances de notre demeure avaient été rendues aussi agréables que nos faibles moyens nous le permettaient, et leur aspect champêtre formait un contraste romantique avec le rocher sauvage qui dominait toute la scène. L'espace compris entre notre demeure et la baie du Salut offrait une épaisse forêt d'arbres variés, les uns originaires d'Europe, les autres indigènes. L'île aux requins n'était plus cet inculte banc de sable dont le triste aspect assombrissait le paysage de Felsenheim. Couverte maintenant de cocotiers et de sapins, ses bords étaient protégés contre l'invasion des flots par un impénétrable rempart de mangliers. Au sommet de l'île apparaissait le nouveau corps de garde et le mât surmonté de son pavillon flottant. Ce groupe, habilement disposé, venait interrompre de la manière la plus pittoresque la monotonie du paysage. Les rivages du lac étaient animés tantôt par les cygnes majestueux au plumage de deuil et tantôt par la troupe bruyante des oies aux vêtements blancs comme la neige. Parmi les roseaux du rivage, on apercevait de temps en temps la poule sultane, le flamand couleur de pourpre, le héron royal à la démarche triste et mélancolique. L'espace contenu entre nos plantations et les buissons du rivage servait de promenade aux majestueuses autruches. Les grues et les outardes se tenaient généralement dans le voisinage de notre défrichement, tandis que le magnifique ménura allait se joindre à notre volaille et que les poules du Canada erraient çà et là dans le taillis. Enfin, nos beaux pigeons venaient se pavaner jusqu'à l'entrée de notre demeure. En un mot, nous nous trouvions entourés d'une vie si joyeuse et si calme que notre cour, ainsi richement peuplée, semblait parfois une image du paradis terrestre. Ce délicieux domaine était borné, à droite, par le ruisseau du Chacal, dont la rive élevée formait un rempart si touffu de citronniers, de palmiers et d'aloès, qu'une souris aurait eu peine à y trouver passage. À gauche s'élevait une montagne inaccessible, dont les flancs recelaient la grotte de cristal. Et l'étang aux canards s'étendait entre le rocher et le rivage de la mer, de manière à rendre toute fortification inutile de ce côté. Sur les bords de l'étang, j'avais fait faire une plantation de bambous, qui remplaçait pour nous les roseaux. Enfin, les derrières de notre habitation étaient protégées par l'inaccessible chaîne de rochers qui isolait ce coin de terre de l'intérieur du pays. La seule issue de notre domaine par la terre ferme était le pont-levis du ruisseau du Chacal. Encore avions-nous pris soin de le fortifier dans les règles, en le flanquant de deux pièces de six. Deux autres pièces du même calibre défendaient l'entrée de la baie. Deux pièces de deux et une paire de pierriers avaient été disposées comme auxiliaires sur le pont de notre bâtiment de guerre, la fameuse pinasse. L'espace compris entre la maison et le ruisseau du Chacal était occupé par nos jardins et nos plantations. Une palissade de bambou perpendiculaire à notre galerie s'étendait de la maison au ruisseau pour protéger les plantations du seul côté où elles fussent accessibles. La petite vallée était arrosée dans toute son étendue par le courant d'eau qui venait alimenter nos moulins. la fertilité toujours croissante de notre vallée ne tarda pas à y attirer une quantité de maraudeurs dont nous n'avions jusque-là remarqué la présence qu'à de longs intervalles. Dans le nombre, il faut compter l'écureuil du Canada, qui ne manquait pas de nous rendre visite dans la saison des noix et des noisettes. Nos amandiers étaient peuplés d'aras et de perroquets, dont le cri désagréable forme un pénible contraste avec la beauté de leur plumage. À ces principaux visiteurs se joignaient des nuées de petits oiseaux, grands amateurs de cerises, d'abricots et de raisins. Dès les premiers temps de la colonie, nous avions besoin de tous nos efforts pour empêcher ces hôtes incommodes de faire la récolte pour nous, et tout notre attirail de pièges et de fils suffisait à peine à arrêter les dévastations. Notre dernière ressource fut encore la poudre et le plomb. Dans la suite, lorsque nos récoltes furent devenues plus abondantes, nous nous trouvâmes si riches que nous pûmes désormais abandonner le superflu aux innocents maraudeurs que nous ne détruisions qu'avec regret. Le temps des fleurs n'attirait pas moins d'étrangers dans notre domaine que la saison des fruits. C'étaient des nuées d'oiseaux-mouches ou de colibris qui voltigeaient de fleur en fleur, en charmant nos regards de l'éclat varié de leurs couleurs. C'était un spectacle plein d'intérêt de voir ces petits animaux mettre en fuite des oiseaux 10 fois plus gros qu'eux, se livrer la guerre entre eux et signaler leur courroux contre les pauvres fleurs lorsqu'un insecte ou quelque oiseau plus heureux leur en avait dérobé le nectar. Attirés par le parfum des fleurs dont nous avions orné à dessein les alentours de notre demeure, ces charmants oiseaux venaient suspendre leur nid jusque dans les rameaux de vanille grimpantes dont les festons se déroulaient avec grâce le long de notre toit. Toutes nos plantations, et spécialement la noix muscade, commençaient à nous récompenser amplement de nos soins. Je les avais placées jusqu'à l'entrée de notre berceau, parmi quelques rejetons de bananiers, et leur parfum venait nous embaumer chaque soir à l'heure du repos. Ce voisinage ne tarda pas à attirer de nouveaux hôtes, et particulièrement 2 espèces d'oiseaux de paradis encore inconnues, dont le plumage nous parut d'une rare beauté. Mais bientôt, leur avidité et leurs cris discordants nous forcèrent d'employer un épouvantail pour les éloigner. Nos 2 espèces d'oliviers ne nous donnaient pas non plus occasion de nous plaindre. Les olives les plus grosses et les plus savoureuses étaient cueillies avant la maturité pour être salées et marinées. L'espèce amère était réservée pour le moulin. Voulant faire de l'huile de noix et de l'huile d'olive, il nous avait fallu songer à la construction d'un pressoir et d'une meule. Cet important travail avait mis notre industrie à une rude épreuve, mais nous avions fini par en sortir victorieux. La préparation du sucre avait aussi mis longtemps en œuvre les ressources de notre imagination. Je savais bien que tout l'appareil nécessaire se trouvait sur le vaisseau naufragé, mais il m'était impossible de me rappeler ce qu'il était devenu. Toutefois, je finis par me souvenir que les chaudières avaient été employées comme magasin à poudre. Maintenant que nos chasses journalières les avaient débarrassées d'une partie de leur contenu, rien n'empêchait de les rendre à leur destination primitive. Après bien des recherches, je finis par découvrir aussi dans notre arsenal les 3 cylindres métalliques nécessaires pour un moulin à sucre. Peu de journées suffirent pour remettre la machine en état, et nous possédâmes bientôt une raffinerie de sucre complète. Au commencement, nos 2 exploitations étaient en plein air. Nous songeâmes bientôt à les entourer de murs et à les couvrir d'un toit de bambou, de manière que la saison des pluies n'arrêta pas les travaux. L'île aux baleines n'avait pas reçu moins d'embellissement que l'île aux requins. Nous y avions placé ce que je nommais plaisamment nos usines, c'est-à-dire la chapellerie et la fabrique de suif. Les ateliers se trouvaient derrière une saillie du rocher qui les mettait à l'abri des intempéries. Au reste, toutes nos colonies étaient entretenues avec une égale sollicitude. Valdec avait conservé sa plantation de cotonniers et le marécage était devenu, avec le temps, une magnifique rizière dont le produit n'avait pas tardé à dépasser nos espérances. Prospect Hill n'était pas négligé. La famille s'y rendait chaque printemps pour faire la récolte des câpres et la provision annuelle du thé. Les feuilles de ce précieux arbuste étaient épluchées avec soin, séchés aux rayons du soleil et renfermés aussitôt dans des vases de porcelaine afin de conserver leur délicieux parfum. Un nouveau genre d'occupation nous rappelait à Zuckertop immédiatement avant la saison des pluies. Il s'agissait d'une part de faire la récolte de canne à sucre et d'autre part de recueillir le millet pour la nourriture de notre bétail. Le transport s'effectuait par mer au moyen de la chaloupe, et nous ne manquions pas, en passant, de rendre notre visite habituelle à l'île aux baleines. De Prospect Hill, nous avions coutume de faire une ou deux excursions jusqu'à l'écluse, afin de visiter nos pièges et de nous assurer si les éléphants n'avaient pas forcé le passage. Nous allions ensuite, avec la chaloupe, explorer cette partie du rivage où Fritz avait découvert, pour la première fois, le cocotier et le bananier. À chaque voyage, je ne manquais pas de rapporter une provision de terre à porcelaine pour les besoins sans cesse renaissants de notre ménage. Lors de sa première excursion dans ces parages, Fritz avait remarqué les traces et entendu le cri d'un oiseau de l'espèce de la poule, ce qui nous avait donné l'idée d'y établir un piège à la manière des colons du Cap. L'entreprise eut un plein succès, et à chacune de nos visites, nous trouvions une foule de prisonniers qu'on apportait à Felsenheim pour les apprivoiser. Nous profitions aussi de notre séjour à l'écluse pour nous emparer des plus belles poules et des plus beaux coqs indigènes, dont je me servais ensuite pour améliorer nos races de volailles d'Europe. Si ma mémoire ne me trompe pas, ces magnifiques animaux doivent être originaires de Malacca ou de Java. Nos animaux domestiques, dont je n'ai pas encore parlé, s'étaient multipliés avec rapidité. Mais en fait de chiens, nous n'avions conservé qu'un rejeton du noble Jäger, qui promettait de devenir par la suite un excellent chien de chasse. Jack le nomma Coco, et comme nous ne pouvions nous empêcher de rire de ce nom bizarre, il nous reprit gravement en faisant observer que le nom d'un chien doit être court et retentissant, afin de frapper au loin les échos des forêts et des montagnes. La lettre O étant la plus sonore des voyelles, doit être la plus chère aux chasseurs. Et il s'en allait en criant à tue-tête « Ho, holo, hiyo, coco !» de manière à nous étourdir les oreilles. Chaque année, la vache et le buffle nous avaient donné un veau, mais nous n'avions élevé que deux de ces animaux, un taureau pour le travail et une vache pour le lait. La femelle reçut le nom de Blas à cause de son éblouissante blancheur, et le mâle fut appelé Brûle, en raison de sa voix retentissante. Tous deux furent dressés à la selle, au bât et à la voiture, ainsi que deux jeunes ânes, dignes rejetons de Rache, qui portaient les noms pompeux de Pfeil et de Flink. Le reste du menu bétail s'était multiplié en proportion, de sorte que nous pouvions de temps en temps servir quelques pièces succulentes sur notre table sans porter atteinte à la prospérité du troupeau. Les lapins de l'île aux requins étaient devenus si nombreux qu'il fallut se décider à leur faire une chasse régulière. À différentes époques de l'année, nous détruisions à regret un certain nombre de ces intéressants animaux dont les fourrures servaient à l'entretien de la chapellerie. Quant à la chair, elle était abandonnée aux chiens. Nous n'avions eu garde d'oublier nos charmantes antilopes, dont la multiplication ne faisait que peu de progrès à cause de la rigueur du climat de l'île requin. Toutefois, leur accroissement nous permit bientôt de transporter un couple de ces gracieux animaux dans la cour ombragée de Felsenheim. Quant à ma famille, elle était toujours, grâce à la Providence, pleine de force et de santé, à l'exception de quelques indispositions passagères. Ma femme éprouvait quelquefois des accès de fièvre assez violents, mais les enfants étaient d'une vigueur et d'une activité peu communes. Fritz, alors âgé de 24 ans, était d'une taille moyenne, mais forte et élégante. Son teint coloré annonçait un tempérament vif et bouillant. Ernest, qui venait d'entrer dans sa 22e année, était plus élancé, mais plus faible. Sa taille, légèrement courbée, annonçait moins de vigueur, bien qu'un exercice continuel eût apporté de grandes modifications à son indolence naturelle. L'extérieur de Jack, alors âgé de 20 ans, annonçait plus de souplesse que de vigueur. On remarquait dans Franz un heureux mélange des qualités physiques et morales de ses trois frères. Il avait la sensibilité de Fritz et d'Ernest, mais la finesse de Jack était devenue chez lui prudence, parce qu'en sa qualité de cadet, il avait souvent été exposé aux malices de ses aînés. Tous quatre se montraient pleins d'honneur et de courage. Leur conduite était dirigée par la piété la plus sincère, sentiment sans lequel l'homme de bien lui-même ne saurait produire aucune œuvre grande et honorable. Tel était l'état de notre colonie au bout d'un séjour de 10 années, durant lesquelles nous n'avions aperçu d'autres figures humaines que les nôtres. Toutefois, l'espérance d'être un jour rendue à la société des hommes ne nous avait pas encore abandonnés, et je ne laissais pas de l'entretenir avec sollicitude, comme le principal mobile de notre activité. Toujours mus par cette idée, nous avions fait de grandes provisions d'articles de commerce afin d'en tirer parti dans l'occasion. Chaque année, je faisais mettre de côté nos plus belles plumes d'autruche et une certaine portion de nos récoltes de thé et de cochenille. Et déjà, nous avions une portion assez considérable de noix muscade, d'essence d'orange et d'huile de cannelle. Cette prévoyance, peut-être exagérée, nous permettait de songer avec sécurité au jour de la délivrance, car ces articles devaient avoir pour nous une valeur considérable. Mon seul regret était de voir diminuer nos munitions de jour en jour, malgré le sage et judicieux emploi que nous nous efforcions d'en faire. Au reste, nous vivions satisfaits de notre sort, et chacun, en reconnaissant les avantages, s'efforçait de conformer ses actions aux vues impénétrables de la Providence.